Sur la tablette, les petits bougeoirs sont disposés. Les jeunes femmes en sari allument les lumières. La soie voltige autour du feu. Les couleurs et l'encens fleurissent l'air. C'est là. Voici la fête. Levez les paumes vers le ciel, c'est la prière. Tous s'assemblent autour de la statuette de Ganesh. La ferveur dans les cœurs brille plus fort que la flamme. Un silence et le chant s'élève. La jeune virtuose module les sons doux d'une mélopée ancienne qui chante l'âge d'or et les songes divins. Sa pose gracieuse attire l'amour. L'officiant récite un sutra pour la déesse de la sagesse. Qu'elle nous apporte inspiration et patience, qu'elle éloigne la lassitude, éveille l'esprit et enrichisse l'âme. Quelle joie! Les guets flamèches se penchent et se dressent et tremblent comme l'hospitalité s'accomplit entre l'étranger et ses hôtes. Voici la danse naïve des villageois. Offrande sincère vaut mieux que richesse. Que le sage éléphant les conduise lentement et sûrement. Ils ont vu Paris. Ils ont vu le monde. Une à une, les petites lumières s'éteignent. Comme la paix enfin descend sur tous. Om Shanti, Shanti Om. Bon voyage.